Salut. Jean-Yves? Oui, tu as l'antenne là pour 4 minutes. Oui, bonjour à tous, à tous nos auditeurs. Radioactif. Attends deux petites secondes. Je pense que tu devrais éteindre ta radio parce qu'il y a un écho pas possible. D'accord, petit instant. Là, ça devrait être mieux. Non, c'est pas mieux. Est-ce que c'est mieux là ? Non, il y a toujours de l'écho. On est en direct ? Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Est-ce que c'est mieux ? Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Bon, vas-y, parle quand même, on fera des réglages après, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un mauvais réglage quelque part. D'accord. Question, est-ce que on est en direct actuellement ? Allô, Radioactif, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, on t'entend. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, ici personne, donc à l'appareil. Bonjour à tous les auditeurs. Je voulais faire part, en fait, déjà d'une première chose, qui est déjà également visible sur notre site. En fait, c'est notre victoire syndicale sur le front de Casablanca, devant la cour de première instance de Casablanca, qui vient de condamner la société Total Call, centre d'appel, pour le groupe Iliad, dans une affaire de licenciement de secrétaire général du bureau syndical. En fait, la cour de première instance a condamné... Allô ? Oui, attends, je vais essayer de revoir les réglages et je te rappelle après, parce que là, ça va être inaudible. D'accord. Ça marche. Allô, essaye de refaire un test, vas-y. Test 1. Là, c'est... des problèmes techniques. Donc je reviens sur un point qui est visible également pour tous sur notre... Non. Ça passe toujours pas, hein. Donc je revois quelques 2-3 trucs que je te rappelle après. D'accord, on revient en live après. We'll be right back. Voilà, on refait un petit test et ça devrait marcher maintenant. On va faire le test et tu me diras le top pour le live. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? Personne à l'appareil. Tu es en live là. Bonjour, merci. Désolé, chers auditeurs, pour cette petite interruption technique. Personne en ligne et je voulais revenir sur un point de la semaine qui est très important. Allô, je t'arrête, il y a toujours de l'écho. C'est un petit peu infernal. Okay. Je ne sais pas comment ça passe à la radio, mais je vais faire un. Continue de parler, je vais vérifier deux, trois petites choses. D'accord. J'ai essayé de parler le plus lentement possible pour que donc ça passe pour tout le monde. En fait, je voudrais revenir sur un point important dont on a eu une nouvelle cette semaine. C'est concernant notre victoire syndicale sur le front de Casablanca avec la société Total Call, où nous avons des camarades qui nous sont proches. Et surtout, je pense à Shakib Bouknani, qui a eu gain de cause et qui rallie notre mouvement, qui en fait partie d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Casablanca? Total Call a été condamné dans une affaire de licenciement comme secrétaire général du bureau syndical de Total Call à Casablanca. C'est la cour de première instance de Casablanca qui a donné ce verdict. En fait, cette cour de première instance a condamné ce licenciement et l'a considéré abusif. Il a été souligné que le non-respect de la procédure de licenciement d'un délégué syndical et la non-conformité aux articles 457, 458, 459 du Code du travail marocain, connu sous la loi 66/99, était suffisant pour la condamnation de la société pour un montant de plus de 46 000 dirhams, un peu plus que donc l'équivalent de 4000 euros, sans se pencher sur le fond, car le non-respect de la procédure du licenciement était largement suffisante. Rappelons que le bureau syndical de Total Call avait formulé déjà à l'époque une revendication qui invitait la société à appliquer les éléments primordiaux tels que la nécessité d'organiser des élections pour l'élection de délégués du personnel Total Call, et ça avait été reproché au délégué syndical. Donc ça c'est déjà un premier point. Alors donc liste des premières atteintes et violations constatées à ce jour par cette cour qui est non exhaustive. Le non-respect 1 donc de l'article 440 suivant 447 463 concernant l'organisation d'élections de délégués des salariés et toute la procédure électorale qui en découle. La société ne dispose en ce moment aucun délégué représentant les salariés d'ailleurs. Un procès de l'inspecteur du travail existe et réprime cette violation. À ce jour, aucune initiative ni de prise. Deuxième point. Le non-respect des prédispositions de l'article 396 et 470 vis-à-vis de la création d'un bureau syndical, la société Total Call maintient une position de négligence par rapport à l'existence et la légitimité du bureau syndical UMT Total Call. Point 3. Le non-respect des prédispositions de l'article 464 relatif à la création d'un comité d'entreprise. Point 4. Le non-respect de l'article 336 relatif à la création de comités de sécurité et d'hygiène. La société connaît plus de 1600 salariés. Il y a un flux donc important et le risque d'épidémie et d'incidents est permanent. Le non-respect de l'article 217 relatif aux jours de fête et aux jours fériés ne fait aucune distinction ni effort relatif au respect du facteur culturel et culturel des salariés. Donc on demande par le biais de Shakib donc tout simplement l'application et de mettre en place donc les dispositions conformément à la loi 65-99 et être en conformité avec la législation tout simplement marocaine. Et tout le monde sait que donc c'est déjà pas facile d'obtenir certaines choses en France, mais je crois que donc ce qu'on a pu démontrer ensemble avec Shakib depuis plusieurs mois déjà maintenant, c'est déjà donc un premier point qui est important. J'en reste là pour cette première intervention. Comme l'auditeur précédent, vous voulez participer à Open Escape, il suffit de vous connecter sur Skype. Ensuite, vous recherchez le pseudo radio.actif avec un K. Et puis vous faites votre demande et vous serez à l'antenne pour quelques minutes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, petites annonces, chanter, faire ce que vous voulez. L'antenne est à vous, c'est libre. Voilà, l'animateur, lui, est en vacances, et déjà en vacances, donc l'antenne est à vous. Alors, quelques petites règles, dès que vous êtes connecté sur Skype. Il y a simplement un message qui vous dit que vous êtes à l'antenne. Il n'y a pas de... Normalement, il n'y a personne qui va vous dire autre chose. Il n'y a pas d'animateur, donc vous êtes seul à l'antenne. Donc mettez-vous bien ça dans la tête. Si vous appelez l'animateur et tout, il ne vous répondra pas. Vous êtes seul à l'antenne. Voilà. Si vous voulez intervenir à plusieurs, pas de soucis, vous nous le dites et puis on vous met en conférence et vous pouvez discuter à plusieurs. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Active, c'est le mouvement collectif qui pique dans le pays. Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, Active avec un K.fr. Qui pique dans le pays. Il est 17h30 sur Radioactif. Passons un petit bonjour au Caporal John qui nous écoute en ce moment, à Gloopy, à Jens et tous les autres qui sont sur ce podcast et sur les, en direct sur la radio. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur radio.active sur Skype. Bonjour chers auditeurs, de nouveau personne en ligne. Donc, je vous appelle pour une invitation. Actif vous invite pour le département 78, donc les Yvelines, pour une réunion. C'est un communiqué de presse que je vais vous lire du collectif Défense Retraite Trappe Saint-Quentin en Yvelines. Suite à l'appel national initié par Attaque Copernic concernant les retraites, faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites et face à la remise en cause de notre système de retraite avec le projet du gouvernement Sarkozy, un collectif de défense des retraites s'est constitué sur le secteur de Trappes-Saint-Quentin en Yvelines. Ce collectif se joint au collectif départemental qui appelle tous les actifs, retraités, étudiants, etc. à se mobiliser pour défendre nos retraites et exiger les points suivants. Primo, le maintien du système par répartition. Secundo, le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Tertio, un taux de remplacement de 75%. Quartio, le retour à 37,5 annuités pour une retraite à taux plein. D'ores et déjà, le collectif de défense des retraites de Trappes-Saint-Quentin en Yvelines participe à des initiatives locales auprès de la population et organise un débat public. Demain, lundi 7 juin à Maurepa, 20h30, salle du conseil de la mairie, et l'intervenant n'est ni plus ni moins que Gérard Filoche, inspecteur du travail. Les premiers signataires, auxquels on se joint naturellement en tant que mouvement actif, Attaque 78, Union syndicale solidaire 78, Sud Santé Socio 78, Sud Télécom IDF, Sud Poste 78, NPA, Cup de Trappe de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez joindre notre camarade Christian au 06 60 14 93 47. Merci. Thank you. On avait des travaux à faire à la maison, avec ma femme, comme des cons, on appelait des artisans. Et ça coûte la peau du cul, un artisan. J'ai dit, on arrête et on va opter pour un nouveau concept qui est très à la mode en France depuis quelques années en bricolage, vous allez voir. Le concept du faites-le vous-même. Faites-le mal, mais faites-le vous-même. On avait décidé de refaire l'appartement en famille, comme vous, comme des millions de Français. On s'est dit avec ma femme et mes gosses, tiens, on va aller chez Casto, puisque chez Casto... Ça marche bien la pub, hein? Donc on arrive dans l'entrée du magasin avec ma femme et mes gosses. Dans l'entrée, je leur ai distribué des sifflets à tout le monde, dispersion générale. Et c'est une technique que j'ai inventée. Tout le monde s'arrache avec un sifflet, le premier qui trouve les pinceaux, hop! Tu gagnes un temps incroyable, tu vois, et tu n'y crois ton forfait, bon. Tu vois l'astuce? Ouais, alors tant que je le ferai tout seul, c'est vrai, quand on fera tout, ça sera un bordel là-bas. Hein. Ouais. Donc tout le monde s'arrache dans tous les sens avec son sifflet. Moi j'avais le quart nord-est du magasin à faire, tu vois. Ça faisait quoi, 2 minutes que je marchais, coup de sifflet à gauche. Oh, je me dis c'est bon, 2 minutes, je vais par là, coup de sifflet à droite. Ah merde! Les salopards, ils ont séparé les pinceaux des rouleaux. Exprès pour faire chier, tu vois. Ça fait rien, je continue sur mon idée, j'entame les perceuses, je file les ponceuses. Oh, j'arrive au coin des ponceuses, qui c'est que je vois pas devant moi, à 6-8 mètres devant moi, mesdames et messieurs, la chance est avec moi. Oh, un vendeur libre. Mais attends, non seulement le mec il était libre, mais il était du bon rayon. Oh, je suis venu acheter un rouleau à plafond, s'il vous plaît. Un quoi? Je lui dis un rouleau à plafond. Il me dit, monsieur, mais ça se fait plus les rouleaux à plafond. Il faut acheter les nouveaux outils, il faut acheter les rouleaux à plafond avec réservoir à dispersion lente. Oh merde. Je lui dis, mais je connais pas cet outil. Il m'a dit, monsieur, voilà un outil qui vous change la vie. Je lui dis, ça va plus vite. Il m'a dit, j'ai pas dit qu'il vous l'améliore, j'ai dit qu'il vous la change. J'ai compris beaucoup plus tard ce qu'il a voulu me dire, le type, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est reparti avec tout un chariot, vous voyez, de tout ce qu'on n'avait pas besoin. On est rentré à la maison et on a attaqué le chantier. Alors s'il y a des bricoleurs ce soir, chantier, c'est le mot juste. On a commencé par la tapisserie, en famille. C'était marqué dans le manuel qu'il fallait décoller les vieilles tapisseries avant de coller les neuves. Donc j'ai branché la cyberdécolleuse à papier peint à pression atmosphérique à gaz qui m'a loué l'hôte à Casto. J'ai mis le feu dessous, ça faisait une fumée, j'ai flippé, j'ai dit au diable, allez-vous mettre derrière Pépé là-bas, vite. Attends, l'angoisse le truc, c'est ça fumait. J'ai dit à ma femme, bah tiens, toi qui aimes les sports extrêmes, vas-y, fais-le. Oh putain. Non seulement elle a décollé la vieille tapisserie, impec, elle a mangé le placo avec l'humidité de la plaque, elle a bouffé les briques rouges, elle est passée chez le voisin. Oh putain, j'arrivais pas à arrêter le truc, j'ai dit mais comment ça s'arrête? Le pépé il est sorti de la chambre avec la carabine, il a dit barrez-vous, je vais les mettre un banc coteuse. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle m'a dit, t'énerve pas. Tu vas tout coller la tapisserie neuve sur la vieille et ça sera bonnard. J'ai dit, moi ça me va, le pépé il gueulait. Ouais, c'est quoi ce boulot de salaud? Mon temps travaillait pas comme ça. On lui a dit, pépé ta gueule. Hein? Va plutôt nous chercher de la bière, on va manquer. Moi pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la peinture. Alors la peinture, je l'ai achetée chez Casto, vous pouvez la trouver. C'est marqué sur le pot, j'invente pas. J'invente jamais rien, moi. Hein? Premièrement, bien lessiver les supports à peindre dans une eau à 22,4 degrés avec une lessive non abrasive. Ma femme, elle a dit comme ça. Elle m'a dit, ça va, laisse tomber, ils sont propres, les supports. Ensuite, appliquer une première fine couche, laisser sécher 2 heures, impeccable. Ensuite, appliquer une seconde fine couche sur la première. Tu sais, des fois, ils taillent la foutre là-bas. Non. Et ensuite, pour l'effet de style, écoutez bien, soufflez dessus de bas en haut pendant 20 minutes. Avec une paille. 30 mètres carrés. J'ai dit à ma femme, non. Anna m'a dit, t'as raison chérie. Elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis quoi? Je vais chercher de la bière. Elle m'a dit, arrête la bière. T'énerve pas. Elle m'a dit, tu vas mettre une couche de peinture épaisse comme ça. Donc j'ai peint mon mur, mais fatalement, j'en avais mis tellement épais. Vous voyez, c'était pas sec. Et ce con, chat, il est venu se coller en bas du mur. Une fois qu'on a eu arraché le chat du mur, il a fallu camoufler tous les poils sur lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné chez Casto, le vendeur, le même que tout à l'heure avec ce que j'avais lâché. Il m'a vu arriver, il m'a fait... J'ai fait... Vous m'avez dit, écoutez-moi bien, monsieur. Pour camoufler les poils sur votre mur, vous allez appliquer un enduit à l'ancienne d'autrefois. Je dis, mais monsieur, jamais je pourrais faire ça. Il m'a dit, mais si, un enfant peut le faire. Vous mettez l'enduit, vous mettez la cire terminée. Bon, il m'a bien joué de la flûte. Je suis reparti avec mes deux seaux d'enduit à l'ancienne d'autrefois à 196,50€ pièce. Mais pour une fois, il avait raison, je vous jure que c'est vrai, en bricolage dans ma vie, j'ai fait une grosse merde. Oui, mais une grosse merde d'autrefois. Ah ouais, un bon crépi de garage dans le salon. Alors quand je fais le compte de la journée qu'on a passée, mesdames et messieurs, financièrement parlant, j'entends, hein, parce qu'écoutez-moi bien, entre le matos qu'on a acheté chez Casto, les cartouches de 12 du vieux, le vétérinaire pour ce concha, la bière, il y a eu une facture terrible. Plus, et c'est là vraiment où je veux en venir, écoutez-moi bien, tous les artisans qui ont défilé à l'appartement pour réparer toutes nos conneries. Eh ben, je vais vous confier un secret, mesdames et messieurs. Les vendeurs de Leroy Merlin, Bricomarché, Castorama ou autres, ils ont beau te bourrer la caisse que c'est facile comme tout, le bricolage, tu vois. Mais quand t'as jamais fait... Eh ben, t'as jamais fait, quoi. Vous écoutez Radioactif, Open Skype. Il est 17h47 actuellement sur la radio et vous êtes en live. Participez à l'émission, branchez-vous sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif avec un K. Thank you. les auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Subcast. N'hésitez pas à participer à cette émission. Vous êtes en live là, actuellement. Pour participer, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir Skype, de rechercher le pseudo radio.actif avec un K. Et vous pourrez raconter ce que vous voulez à l'antenne. C'est une libre antenne. Ça s'appelle Open Skype. Voilà, donc vous pouvez chanter, vendre un grand-père, inviter une belle-mère, enfin bon, ce que vous voulez, ou même parler des manifestations de votre vie, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à participer, c'est maintenant et c'est sur Open Skype. Thank you. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapricorneFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, Actif. Avec un cas.fr. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte. Je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.septicalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs latifolés est la seule qui ose dénoncer et qui ose critiquer les masses médias normaux. Si vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Allô? Allô? Vous êtes en direct, parlez. Rebonjour, d'ici, je voudrais repasser donc une petite annonce pour nos chers auditeurs, surtout les jeunes juristes étudiants encore ou en fin d'études, et également les jeunes juristes qui sont à peine installés. Afin de se rapprocher d'Actif, on a besoin de vous. Vous pouvez nous faire confiance, on vous donnera des dossiers pour faire vos armes, vous le verrez. Vous pouvez déjà prendre contact avec nous. Vous avez connu le dossier CNIL avec Acadomia cette semaine. Vous en connaissez donc les conséquences pour cette société. Nous avons un deuxième cas de figure qui s'est présenté dans un centre d'appel où on s'est battu déjà depuis l'année dernière pour leur prouver que donc effectivement elles n'étaient pas conformes et ne le sont toujours pas avec les éléments de la CNIL. Si vous avez envie de vous lâcher, d'apprendre donc sur des dossiers du terrain, aussi bien pour la défense des salariés, nous avons plein de dossiers actuellement qui sont prêts et on a simplement besoin de vous pour que vous puissiez prendre ces dossiers et les défendre auprès des différentes instances nécessaires. Merci, donc prenez contact avec actif.fr, on a besoin de jeunes avocats ou avocats confirmés, mais en tout cas prenez contact si vous êtes en manque de travail aujourd'hui, c'est le moment, les dossiers sont là, ils sont prêts, prémâchés, vous n'avez qu'à faire conclure les choses en notre avantage. Merci. vous êtes sur Radioactif et vous écoutez actuellement l'émission Open Skype. Donc pour participer à l'émission, profitez-en parce que c'est la seule émission qui vous donne la parole. Vous n'avez pas d'autre émission qui va vous donner la parole comme cela pour pouvoir dire ce que vous voulez. Vous pouvez parler de tout. Vous êtes à l'antenne pour quelques minutes. Bon, c'est vrai que vous serez seul ou éventuellement avec quelqu'un si vous décidez d'être avec quelqu'un. Mais n'hésitez pas à le faire, branchez-vous sur Skype, recherchez le pseudo radio.actif avec un K, et puis c'est parti! Et pour vous prouver que vous êtes bien en live, actuellement il est 18h09 en France. Alors vous avez 50 minutes encore pour intervenir à l'antenne, pour parler de tout. Ah oui, chose très importante, si vous voulez participer en juillet et en août, ben vous attendrez septembre parce que ça sera trop tard. Faudra le faire soit avant, soit après. Vous écoutez Open Skype sur Radioactif, il est 18h10. We'll be right back. m'entendez? Allô? Allô, allô? Oui, oui, on t'entend. Du moment que t'es connecté, c'est bon, c'est qu'on t'entend. D'accord. Donc, je voudrais revenir sur une info qui a été reprise également par Le Monde de hier concernant le combat des salariés de Honda pour toute la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? La grève dure déjà depuis quelques temps et ces jeunes grévistes de l'usine Honda de Foshan avaient désigné 16 représentants. Ils avaient été suspendus, ils avaient suspendu leur mouvement pendant 3 jours au terme desquels ils se remettraient en grève s'ils n'obtenaient pas 800 yuan, 98 euros de hausse, soit 50% de leur salaire. Après 6 heures de négociation, vendredi, ils ont obtenu une nouvelle hausse des salaires qui porte à 500 yuan par mois leur prime mensuelle, soit 35% de plus de leur salaire de base. Il y a un réel changement en Chine actuellement. Il faut penser donc qu'on parle toujours de délocalisation. Le capitalisme comprendra par lui-même ce qui va se passer même en Chine, parce que donc ces gens qui étaient confrontés donc avec un capitalisme sauvage sur place, qui les exploitait, ils se sont mis en syndicats autogérés directement contre leur propre syndicat ACFTU, la centrale syndicale chinoise, dans la propre entreprise de Honda. Et ces syndicalistes officiels de l'ACFTU avaient même essayé de casser la grève en tabassant carrément donc les salariés et les syndicalistes, les vrais syndicalistes du front. Ils ont obtenu, et disons-le avec une grande victoire, donc vendredi en Chine, pour la première fois, une hausse de salaire de 35%. Est-ce que le monde délocalisé, émergent, comme les pays chinois, l'Afrique, s'ils se mettraient tous dans le même mouvement avec un réel syndicalisme de base, on obtiendrait donc un réel avancement et on aurait une société réellement anticapitaliste comme le but de notre propre mouvement et de beaucoup d'adhérents de notre mouvement est le cas. Merci. Voilà, j'appelle parce que je voudrais savoir si j'ai rien compris dans la retraite. Est-ce qu'on va travailler plus? Est-ce qu'on va travailler moins? J'ai rien du tout, rien compris dans qu'est-ce qu'il veut dire M. Sarkozy sur la retraite. Mmh. Je pense que oui. D'accord. Donc la question a été posée concernant les retraites, de ce que voudrait faire donc ce gouvernement qui est rien d'autre que géré par une personne. C'est même plus un gouvernement, c'est déjà une personne qui forme donc les idées et les décisions qui doivent être prises. C'est même plus le Parlement, ça on le voit bien, ni le Sénat. Le Conseil constitutionnel essaye éventuellement de bloquer quelques mesures, en l'occurrence. Bien, on sait que... Qu'est-ce qui se passe avec les retraites? On est avec des caisses qui sont déficitaires depuis longue date. On incrime donc ce déficit aux 35 heures. La retraite à 60 ans que donc Mitterrand a mise en place. Le Parti socialiste, effectivement, à l'époque, avait pris des mesures pour réduire le temps de travail et réduire donc l'âge de la retraite. Et le gouvernement actuel utilise ces arguments-là pour dire que donc ça cause donc un déficit important dans les caisses de l'État et ce ne va que s'en empirant. En fait, il y a des fausses idées derrière tout ça. Donc tout le monde sait que donc la longévité de la vie est accrue aujourd'hui. On a enfin dépassé le seuil des 60 ans, 65 ans d'espérance de vie. Donc le patronat, aussi bien que donc ces quelques gros capitalistes se disent « Oh, ce serait bien de continuer à travailler plus longtemps et encore prendre de l'argent sur le dos des retraités. » Donc en les faisant travailler. Aujourd'hui, ce déficit, gauche comme droite, je dis pas les communistes réels révolutionnaires, ont l'idée, même les socialistes, quand on regarde bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire tout simplement, il faut travailler plus longtemps. Alors déjà, donc, il y a un gros souci avec ça. Parce que si on clame haut et fort, aujourd'hui, donc, le fait d'avoir donc, du chômage est déjà très important, comment allez-vous expliquer à une population qu'il faut travailler plus longtemps, sachant que déjà il n'y a pas suffisamment de travail pour les salariés entre guillemets normaux, parce que qu'est-ce que veut dire la norme aujourd'hui? C'est les salariés qui ont 25 ans, 40 ans maximum, au-delà duquel on est déjà considéré comme des seniors dans la société et qu'il est grand temps de dégager. Donc qu'ils nous fassent pas rire donc en disant tout simplement qu'il faut allonger le temps de travail. Maintenant, où est le problème avec ces caisses qui sont soi-disant déficitaires? Et donc là, il faut comprendre que le combat doit se faire tout simplement avec des augmentations de salaire qu'on nous a déjà bloquées depuis des décennies, le gouvernement de Mitterrand inclus. En fait, avec les 35 heures, déjà c'était un argument tout simplement pour garder les salaires le plus bas possible, un peu plus au-delà du SMIG. Donc on arrive avec des salaires de 1400, 1500 euros bruts. Donc et c'est pas suffisant parce que donc quand on va faire des prélèvements pour engraisser ces caisses, donc il n'y a pas suffisamment d'argent pour avoir le nécessaire pour la répartition des retraites. Donc la première revendication qu'il faut faire jouer, c'est donc déjà du travail. Donc à partir de donc, prenons la fourchette de travail d'une vingtaine d'années, quand on a 20 ans jusqu'à 60 ans, pas au-delà. déjà avec des salaires décents et qui soient naturellement taxés sur cette période-là, sur des salaires décents pour financer tout simplement ces caisses de retraite. Deuxième point important, c'est d'aller chercher l'argent, parce que bizarrement, quand on regarde bien, les salaires, aussi bien que donc le capital qui est en circulation, il y a des niches fiscales. C'est pas des niches, c'est pas des petits îlots donc de quelques personnes qui ont des niches. Non, c'est donc un enjeu très important. Les gros capitalistes, hein, les banques, ils ont énormément d'argent qui n'est pas taxé actuellement, qui ne sert à rien pour le financement donc de nos propres retraites. Ce que veut en fait le gouvernement, c'est étatiser complètement le système des retraites, et je dirais même au-delà, parce que donc l'État aujourd'hui n'étant que dans les mains de quelques personnes au niveau mondial, et même au-delà du système présidentiel de quelques États, c'est simplement des personnes comme des Goldman Sachs qui sont derrière tout ça, des Madoff, des styles Madoff, on peut le dire, qui gèrent notre capital, qui se goinfrent avec notre capital et qui détournent la plus-value de l'ouvrier directement dans leur poche. Et en plus de ça, ils s'autorisent à augmenter leur propre salaire et à se défiscaliser. Tout simplement, c'est ça le problème. Donc ce que nous demandons, je dirais donc là, c'est donc l'aspect plutôt politique, c'est tout simplement revenir donc, et de garder cet âge de retraite à 60 ans, première chose, et de rester sur les 37 années et demie de cotisation d'annuité pour pouvoir faire face à cela et de taxer vraiment le capital là où il le faut. Mais vous comprendrez bien que naturellement pour ça, c'est toute une autre vision de la société qu'on a. C'est-à-dire il faut absolument que donc il y ait une révolution au niveau donc du salariat aujourd'hui, et on voit que donc ils ont tout à fait réussi à nous isoler dans notre coin, de ne pas connaître donc les lois, de ne pas les faire appliquer, de mettre les pressions, de délocaliser. Et c'est contre tout ça qu'il faut réellement se battre. C'est une vision syndicale d'abord, parce qu'il y a déjà suffisamment de moyens pour se battre dans nos propres sociétés, mais ça demande donc un engagement personnel, ça demande également un engagement collectif social, mais aussi un engagement planétaire, je dirais, ou multi-pays. Pensons à ce qui se passe avec la Palestine. Ça n'a rien à voir avec les retraites, je suis d'accord, mais avec tout ce qui se passe dans ce pays, et quand on voit certaines actions, il faut mettre tout ça dans un cadre beaucoup plus large que donc le syndicalisme, beaucoup plus large que le politique minable qu'on a en France, donc ou en Belgique, ou en Allemagne, ou en Hollande, où on pense simplement à ces petits esprits et on goinfre simplement quelques personnes. Donc il faut, je rappelle encore un fait, ici en France, on a donc 80 personnes, rendez-vous compte, 80 personnes qui gèrent tout le CAC 40. On voit les mêmes noms, les 80 personnes, et croyez-le, ces personnes-là ne vont tout faire pour essayer de défiscaliser leur propre salaire. Il y a suffisamment d'argent dans ces poches-là à les prendre et à financer nos propres retraites. Voilà ce que j'avais à dire donc là-dessus. À vous l'antenne. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute d'Open Skype sur Radioactif. Il est 18h32. Tout de suite après la musique, nous écouterons un sketch. C'est sur un formulaire d'entrée à la poste. C'est pas mal. Il a bugué ou quoi là? Mais c'est quoi là le dossier qu'il a entre les mains là? Ah oui, ça je sais, c'est le dossier pour passer les concours de la poste, ça. C'est pas vrai? Ouais, je sais pas ce qu'il a, il veut travailler, il est pas bien lui. Mais Néné, t'as aucune chance, hein? Tu l'as pas rempli le dossier, je parie là. Ouais, mais là j'arrive pas, c'est trop dur. Tu pourrais pas m'aider toi? Eh ben c'est facile ça. Ah bon? C'est quoi déjà ton nom à toi? Tu te fous de ma gueule? Eh ben très bien. Tu. C'est bon. Ah, bien sûr, de ma gueule. Bon, t'as quel âge? 20. Pardon? 30. Ouais, 30. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Mm. Et t'as vu ça? Il passe de 20 à 30. Le double, lui, tranquille. Ça m'énerve. Là. Ça énerve, ça. Ouais, ça énerve. Hein. Mais 30, hein. 30, ça y est, c'est fait. Ouais. Sexe, bon bah. Pareil. Il y a besoin de tout ça pour travailler à la poste. Eh ben écoute, dans le doute, on va mettre 30 quand même. Ah ouais, ouais, tu vas lui mettre sexe, 30. Oui, 30, bah oui, oui, oui. C'est généreux, c'est bien servi. Hein. Ouais. Ça donne envie de devenir fonctionnaire. Hein. Oui, QI. Attends, ça je le savais par contre, temps. Bah laisse tomber, je vais mettre pareil, 30. Oui, c'est une moyenne que j'ai, vas-y, peux y aller, vas-y. Enfin, pour toi, c'est plus un max. Hein. Ouais. Alors là, c'est le psychopathe, là. Hein. Ah non, non, non, je suis sagittaire. Le numéro de téléphone. Ah bah ça, c'est facile. Oui, je sais que c'est facile, c'est le mien, donc je le connais. Hein. Ouais. Il est con, lui. En plus, on a un téléphone pour trois, donc ça devrait aller. Ouais. C'est incroyable, ça. Oh, je ne le crois pas. Quoi? Mais regarde ça, t'as vu le numéro de téléphone? Ah bah oui, toujours. Hein. Mais tu sais quoi? J'ai le même. Oui. Mais il nous donne le même, je le crois pas, le mais même. Mais il nous donne pas le même, puisque je viens de te dire que c'était le mien. Oui, c'est ça, et moi j'ai le même. Mais t'as pas le même, puisque ce numéro c'est le mien. Incroyable, je trouve que c'est incroyable. Il l'a fait exprès, là. Pardon? Non, mais le il même, fait comme ça, là. C'est incroyable. Non, mais attends, attends, attends. Je suis en train de te dire que ce numéro c'est le mien. Quoi? Oui. Ils t'ont redonné le même. Encore plus incroyable. Je ne veux pas le croire. Non, non. Alors lui, il est recon. Tu sais que c'est magnifique hein, ce qui se passe à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, lui tu peux lui expliquer pendant 3-4 heures, de toute façon il ne comprendra pas, c'est comme ça. Ouais mais en même temps, le même comme ça, c'est rare que ça arrive. Mais ouais. Tu mises pas? Tu m'as parlé de quoi là? Non, juste c'est rare que ça arrive. Mais parce que c'est le même. Hein. C'est le attends, même. Mais toi, arrête de déconner, c'est pas rare que ça arrive puisque c'est mon numéro. Mais moi j'ai le même. C'est rare que ça arrive. Mais ouais. C'est incroyable, je trouve que ça fait peur. C'est incroyable. Oui, ça fait peur. Là, je suis d'accord avec toi, ça fait peur. Ah ouais, c'est incroyable. Ok, on va faire une petite rectification. Ouais. QI 15. Chacun, bien évidemment. Ah, le même. Oh, mais incroyable. Là aussi, c'est incroyable. Ça, c'est rare que ça arrive. Mais c'est incroyable, je veux pas le croire. Ah, ouais. Je crois qu'on va faire un petit jeu, là, parce que j'ai besoin de me détendre. Un petit jeu? Un petit jeu. Nous, on adore les petits jeux. Allez, jouons. Ouais, bah, ça tombe bien. Mais pas trop difficile, quand même. T'inquiète pas, ça va être facile. Ouais. Bon, le prochain qui dit le même ou incroyable. Le même ou incroyable. Fastoche. C'est fastoche, quand même. Je lui plante les stylos dans l'œil. Ouais, mais c'est rare que ça arrive. T'es en train de te marrer là, toi? Non, je suis pas marié. Ouais. N'importe quoi, je te l'aurais dit en plus. Ok, donc ça c'est important, célibataire. Je crois. Ouais, bien ça comme endroit, j'adore. Jamais été par là. Ouais, très bien. Ok, ça c'est fait. Bon, bah t'as le permis. Hein. Oh, bah attends, tu me prends pour qui? Ouais. Je me suis inscrit. Hein. Ouais. Ça tombe sous le sens. Ouais, donc, autiste, oui. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est bien comme marque de bagnole, ouais, ça. J'aime bien les mini. C'est mini, mini. D'accord, ça, donc il y en a deux. Ah, ouais. Ouais. Niveau d'études. Bah... C'est bien, ça. Oh, c'est trop bon. De quoi? Et d'ailleurs, voire très bas pour toi. Ouais, ouais. Ouais, mais en même temps, ouais. Tu te rasais déjà à l'école primaire. Bah, toi. Donc, ok, ça c'est fait. Ouais. Lieu de naissance. Los Angeles. Ouais. Allô, la base? Argelès. Voilà. Argelès. T'es breton, toi? Ouais. Ah ouais. Comme lui. Comme pareil lui. Que moi. Mais lui, lui, Bretagne Sud, lui. Ouais. Quoi, La Rochelle? Non, Biarritz. Ouais. Ah. Et alors, pour terminer, disponibilité. Ah, parfait. Ouais. Donc, tu as le choix. Très bien. Entre quart-temps, ouais. Mi-temps ou plein temps. Attends, il n'y a pas de temps en temps? times have changed since we've been around. Brand new world and brand new sound. Dreams fading in and out. Minds and visions unchanged without a doubt. But one thing that remains is the green or blue. Constantly influencing both me and you. So tell me. À l'écoute de Open Escape sur Radioactif. Il vous reste quelques minutes encore pour intervenir. Pour intervenir, c'est simple, allez sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif avec un K. Pour consulter les infos du syndicat Actif, n'hésitez pas à aller sur http://actif.fr et inscrivez-vous en tant que membre. En tant que membre simple, c'est gratuit, mais vous n'aurez pas la totalité du site. Ou sinon, vous pouvez devenir adhérent, donc sympathisant, et cotiser. À ce moment-là, donc, vous aurez accès à plus d'informations sur le site de d'une part et à toute votre section concernant votre société. Voilà, donc maintenant, allez sur Skype et puis intervenez. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous écoute sur Subcast, donc bienvenue à eux. Et puis, si vous voulez nous écouter en direct, vous pouvez aller sur http://radio-actif.cx. Qui vient nous faire un petit coucou, il n'a pas pu participer à l'émission aujourd'hui, il s'en excuse. C'est pas grave, il nous promet que dans une prochaine participation, il viendra nous parler des jeux sur les gamers, etc. Donc ça va être très très intéressant. Voilà, donc écoutez les prochaines émissions de OpenScape et vous saurez tout sur les jeux vidéo et les gamers. Et là, nous allons passer un petit peu de publicité.

Nos camarades qui sont à l'écoute savent de quoi on parle. On les a aidés. On a pu casser des avertissements. Déjà, donc, tout simplement. Je m'excuse auprès de Johanovic, s'il nous écoute. J'ai pas pu le prendre en tant que conseiller du salarié, mais je reviendrai vers lui. J'étais arrêté toute la période. Merci et à bientôt. Donc au terme de notre émission Open Escape, on se retrouve dimanche prochain entre 17h et 19h comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à écouter le soir les émissions du Caporal John sur Tactical FM, et le vendredi soir écoutez EDDNP en direct de nulle part aussi à partir de 1h du matin en France, 20h au Canada. Et pour les émissions du Caporal John, c'est du lundi au vendredi. Alors du lundi au jeudi, c'est à partir de 1h du matin tous les jours, et le vendredi à partir de 18h. Voilà, donc à très très bientôt, à dimanche prochain. Ciao, bye bye.